pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop rock, électro, reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Allez, bonjour et bienvenue, 18h passées de 1 minute, quelques retards, mais oui, on est là, on a bravé la neige pour venir vous distiller du très bon son pop rock. Comme tous les dimanches, c'est reparti, hein, Label Rock, pour une nouvelle saison 2010. Je ne suis pas tout seul, accompagné de mon fidèle co-animateur Philippe. Comment vas-tu? Bonsoir Sébastien. Bah écoute, ça va très bien. Comme tu dis, on a bravé un peu la neige, hein, donc bah écoute, est-ce que je peux commencer l'année en passant un petit bonjour? Et tu peux passer un petit bonjour, oui. Merci. Alors écoute, j'aurais voulu refaire un petit coucou à ma petite nièce adorée Méline, qui je l'espère m'écoute, ainsi qu'à sa petite sœur Alicia, qui est toute petite, et à leurs parents. Bon, on va en profiter pour dire les vœux, hein, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, auditeurs, auditrices, pour cette année 2010? Moi, je dis beaucoup d'amour. Hein. Bah, de l'amour, évidemment, de la du musique, bonheur. Du bonheur, mais de la musique, des chouettes concerts. Voilà. Il va se passer plein de choses, hein. On a eu un petit aperçu un petit peu déjà en recevant pas mal de disques autour de Noël, et je crois que 2010 est parti sur de bonnes bases. On va d'ailleurs distiller au cours des prochaines, de la prochaine demi-heure, tiens, par exemple, des nouveaux sons, nouvel album pour Massive Attack, nouveaux titres aussi pour Portishead, et puis des découvertes comme ça qui nous viennent de Londres, comme un groupe qu'on aime bien qui s'appelle We Fell to Earth. On fera un petit tour du côté du Portugal aussi avec The Legendary Tigerman, c'est une nouveauté. Bref, je pense qu'on va partir sur de bonnes bases, et c'est comme ça sur le 89.4, comme tous les dimanches. C'est reparti pour Label Rock de 18h à 20h. Est-ce que tu es prêt, Philippe? Oui. Oui? Ready? On peut y aller. Ready? Let's ready. Go. Let's go. Ready? Ready? No. Ready? No. Ready? No. Ready? No. Ready? Ready? No. Ready? No. Quick! Why? Ready? No. Ready? No. Ready? No. Quick! Why? Ready? No. Ready? No. Ready? No. Quick! Why? Come! Come! Come! Come! Quick! Why? Getting bored of getting home, getting bored of watching TV, getting bored of got a drink, getting tired of go to sleep, I'm going around, round, round, gonna round, round, around, get around, round, round, get around, around. Getting bored of getting home, getting bored of got a drink, getting bored of waiting for. Tired of go to sleep, I'm gonna run, run, run. Gonna run, run, run. Gonna run, run, run. Gonna run, run, run. Ready? No. Ready? No. Come, come, come, come. Thank you. tout premier morceau de l'année dans la Belle Rock et une nouveauté d'un duo parisien composé de J.S. Bross et de Philippe Sirot. C'est pas Philippe Siron, c'est Sirot, hein, tu vois, ça ressemble hein, quand même. Hein. C'est un petit cousin peut-être parisien, on sait on pas. Va dire. C'est un anonyme, voilà. Duo qui s'est constitué donc en hiver 2006 et qui vient de publier son premier maxi. Ils enregistrent sous le nom de Ray Bartok. C'est un maxi 5 titres intitulé No Panic. Et c'est une autoproduction, c'est distribué sur leur label qui s'appelle Rice Bowl Club. Voilà, au menu de ce maxi électro assez foutraque et sample en tout genre. Évidemment, c'est formidable, hein. J'aime beaucoup ce maxi, d'ailleurs disponible sur le net, notamment sur leur site MySpace. J'en profite pour nous dire que, bah, comme l'année dernière et comme toutes les années précédentes, vous pourrez retrouver sur le blog officiel de l'émission, que vous pouvez trouver sur www.virginradio1.fr. Voilà, vous cliquez sur l'onglet Label Rock et à partir de demain, vous retrouverez évidemment tous les track listings, tous les artistes ainsi que l'émission à podcaster. Voilà. Ray Bartok, donc première nouveauté. On va partir du côté des États-Unis avec un de tes choix, Philippe. Il s'appelle le Chris Garneau. Voilà, alors je te propose d'écouter un morceau du deuxième album de Chris Garneau. Alors Chris Garneau, c'est qui? C'est un Américain hein, qui est né à Boston en 82, donc ça lui fait pas loin de 28 ans. Il fait tout, hein. C'est un auteur, compositeur, interprète. Et comment te dire, comment te parler de sa musique? C'est plutôt un style qui combinerait des éléments de folk, de pop et même un peu de baroque. Ouais, pas mal d'influence hein, pour cet artiste d'ailleurs. Oui, il cite pas mal de gens hein, dans les interviews, notamment Jeff Buckley, Nina Simone, Nico, Cat Power. Et c'est vrai que quand on écoute les chansons du nouvel album, on pense aussi à Elliott Smith. Voilà, donc son deuxième album est paru sur le label Fargo et s'intitule El Radio. Et t'as choisi un titre qui s'appelle Dirty Night Clowns et il y a plutôt une histoire assez sympathique, une histoire vraie apparemment. Bah oui, d'après ce qu'il en dit, c'est une histoire vraie. Alors ça serait l'histoire d'un nain qui se déguise en clown et qui s'introduit la nuit dans les maisons pour attaquer les enfants. Ah bah c'est bien ça, juste après Noël. C'est croque-mitaine un peu. Hein, bon, allez. Chris Garneau tout de suite donc dans la Belle Rock, ça s'appelle Dirty Night Clowns. L'album est disponible, le deuxième album, ça s'appelle El Radio. Pick me up, hose me down. I'm sorry boys about the dirty night clowns. Earth does break the things that we make, like model planes and guppy cakes. I can clear the leaves from here. They're too far under the brush this year. I can clear the leaves from here. They're too far under the brush this year. Let them be buried, buried alive. In their suits, in their ties. Shake the moves that they made. In their suits, in their ties. Let them be buried, buried alive. In their suits, in their ties. You're safe here now, you're in the clear now. We'll eat soup and apple pies. I can clear the leaves from here. They're too far under the brush this year. Never be dirt free. Up the stairs, come find me. Come sneak up behind me. Thank you. year. Thank you. jusqu'au bout. Chris Garneau pour commencer, Dirty Night Clowns, donc issu de son deuxième album qui est sorti sur le label Fargo, un album qui s'appelle L Radio, et puis à l'instant extrait du nouvel album des Massive Attack, un neuvième album. L'album s'appelle Heligo Land et il sortira le 8 février prochain. Un album très attendu, hein, Philippe, comme tu peux l'imaginer. Surtout qu'il y a vraiment du très beau monde dessus, notamment Hope Sandoval, qu'on aime bien, de Mazistar à l'instant. Oui, sur ce morceau-là, qu'on vient d'écouter, on l'a bien reconnu. C'est le single, Paradise Circus, mais on retrouve aussi, premier titre de l'album par exemple, chanteur des TV on the Radio. On retrouve aussi l'excellente Martina Topley Bird, on retrouve aussi le leader de Blur, Damon Albarn évidemment. Pour un joli duo sur cet album, ainsi que Horace Andy. On avait l'habitude de le retrouver, lui, sur tous les albums de Massive Attack. Ça sera le cas encore donc sur cet album qui s'appelle Heligo Land. Je vous rappelle qu'il faudra donc attendre le 8 février prochain. Et puisqu'on parle de groupe culte trip hop, impossible de pas faire une connexion évidente avec les Portishead, le trio de Bristol, qui n'aura donc pas été silencieux longtemps. On sait qu'avec les Portishead, des fois, les périodes d'hibernation peuvent durer des mois, voire des années. En tout cas, ils sont de retour à peine un an après la sortie de Ford, c'était leur dernier album, avec un titre qui s'appelle Chase the Tear, un titre à télécharger, et dont les bénéfices seront reversés à Amnesty International à l'occasion de la journée des droits de l'homme. Voilà, vous pouvez télécharger ce titre de Portishead pour une somme modique sur le site d'Amnesty International, mais aussi évidemment sur le site du groupe de Bristol, www.portishead.co.uk. On se l'écoute, Chase the Tears, le nouveau donc Portishead, dans la Belle Rock. On est ensemble jusqu'à 20h. Thank you. 20h sur Virgin Radio One. Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. We'll be right back. 18h28, le son de Label Rock comme tous les dimanches sur Virgin Radio 1 89.4, pop aérienne avec un nouveau groupe londonien qui tire son nom en hommage au film avec David Bowie qui s'appelle The Man Who Fell to Earth. We Fell to Earth, donc tout premier album qui va sortir début février 2010, c'est un tout nouveau label, hein. On connaît pas grand chose sur In Stereo, ça c'est le nom du label. We Fell to Earth, ça c'est donc le nom du groupe qui est en fait un duo, hein, constitué de deux personnes. Donc Richard File, le chanteur qu'on a pu connaître pendant une bonne dizaine d'années puisqu'il faisait partie du groupe trip-hop Uncle, accompagné pour l'occasion dans ce nouveau groupe de Wendy Ray Fowler. Et on aime bien ce genre de petits sons, comment t'appelles, c'est une sorte de pop aérienne, moi je trouve. Oui, mais c'est quand même assez hypnotique aussi. Oui, pop aérienne. Voilà, donc premier album, We Fell to Earth, donc l'album s'appelle tout simplement aussi We Fell to Earth. Il faudra attendre donc début février 2010. Autre nouveauté 2010, et on va partir du côté de Lisbonne au Portugal. Et si mes souvenirs sont bons, ça doit être une des premières fois depuis 4 ans qu'on anime cette émission qu'on part du côté du Portugal. Donc voilà, pas trop de choses qui se passent, ou alors qui nous arrivent en tout cas. Du côté de la rue Sully, ça fait du bien de recevoir cet album, un album signé par... quelqu'un qu'on aime bien, Paulo Furtado, le leader de l'excellent groupe portugais Reagan, qui sort là son quatrième album, pas sous le nom Reagan justement, mais sous le nom de Legendary Tagman. L'album s'appelle Femina, et comme d'habitude avec Paulo Furtado, bah préparez-vous à prendre une bonne claque de blues et de soul. Et si on parlait de beau monde sur l'album de Massive Attack, il encore une fois, hein, sur cet album, Philippe, c'est du lourd, tout simplement. Bah, tout à fait, oui, alors on peut citer Asia Argento, Maria de Medeiros, donc ne pas confondre, hein. Avec Ellie. Oui, elle c'est Maria Medeiros, l'actrice portugaise qu'on avait découverte dans Pulp Fiction. Exact, il y a quelques années de ça. Voilà, également Phoebe Kildir, qu'on avait vu sur scène au Grand Marais. Au Grand Marais, pas loin de chez nous, quoi. Cybelle, Brigitte Fontaine et Lisa des Bell Rays et Peaches. Voilà, Peaches, artiste un petit peu... bah, très spécial, hein, très extravagante, on va dire, qu'on le retrouve donc sur cet album, qu'on retrouve d'ailleurs sur cet extrait qu'on va s'écouter tout de suite. Je vous rappelle donc l'album de Legendary Tigerman, l'album s'appelle Femina, on s'en écoute un extrait, ça s'appelle She's a Hellcat, un album de duo en hommage aux femmes, et tout de suite justement Polo avec Peaches. Lick my pussy and my rat, 'cause I'm back to black. for a kick. You want a kick? I'll give it, I'll give it. Yeah. You want a kick? I'll give it, I'll give it. You want a kick? I'll give it, I'll give it. You want a kick? I'll give it, I'll give it. You want a kick? I'll give it, I'll give it. You want a kick? I'll give it, I'll give it. Le son indé d'un label qu'on a découvert pendant les fêtes de Noël. Comme vous pouvez imaginer, hein, pendant cette coupure entre fin décembre et bah, ce soir, 10 janvier, pas mal de CD qui sont passés dans nos petites oreilles averties, et notamment ce gros coup de cœur hein, pour ce label anglais qui s'appelle Parlor Records. 8 sorties seulement à leur actif à ce jour, et à chaque fois du très bon son rock indé hein, de qualité, notamment avec ce trio qu'on vient de s'écouter qui s'appelle Disconcerts, Alan, Hugo et Richard. C'est un premier maxi qui s'appelle Medix, comme à chaque fois, hein, c'est en édition limitée sur vinyle à l'ancienne, ou alors directement sur leur site, hein, vous pouvez télécharger. Allez acheter tout ça donc en téléchargement numérique, c'est www.parlour-records.com. Et on va écouter un autre truc, hein. T'as fait une autre sélection de ce label, Philippe. Oui, un autre groupe qui s'appelle le Tetsuo. Ouais, ils ont tous des noms un petit peu bizarres, mais on aime bien. Hein. Ça fait partie du. On cherchait ça, mais bon. Voilà, donc c'est aussi évidemment un groupe anglais, donc c'est leur nouveau single. Le Tetsuo, c'est un trio de Londres qui écume les salles de concert depuis quelques années maintenant. Et ils viennent donc de sortir leur deuxième enregistrement. Voilà, donc il y a deux titres disponibles, toujours en vinyle et aussi en téléchargement sur le site du label Parlour Records. Voilà, on redonne donc l'adresse www.parlour-records.com. Encore une fois, si vous allez sur www.virginradio1.fr à partir de demain, vous retrouverez bien évidemment le lien. Le Tetsuo, donc, avec un titre à rallonge, hein, ça s'appelle. Je te laisse le dire. Ouais, allez, ça s'appelle Sometimes I'm Walking Around, I Feel Like I'm Going to Open Up and Crack. Voilà, encore une très bonne sortie signée Parlour Records. On y va. L'émission sur Virgin Radio qui est pas pareil. le rock belge. Voilà, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Le rock belge à l'honneur dans la Belle Rock. On a toujours pensé du bien du rock du côté de la Belgique. Et avec cette nouveauté belge signée The Ike on the World, nouveauté qui est sortie d'ailleurs chez Naïve, le groupe, premier album éponyme. Quatre Belges qu'on a eu déjà l'occasion de rencontrer, c'était en décembre qu'on vous a présenté cet album. Pas mal de... au niveau du CV, ça va plutôt bien pour eux, puisqu'ils ont déjà joué avec The Bronx, Das Pop, les MC5, ça fera plaisir, tiens, à Claude, qui peut-être nous écoute. Les Dinosaur Junior ou encore Deus, évidemment. The Ike on the World, donc premier album éponyme sorti fin d'année dernière, produit par Das Pop, avec un album enregistré du côté de Bruxelles et Stockholm. J'aime bien ce son rock un petit peu comme ça, brut, assez massif. Ça te parle ou pas, toi, Philippe? C'est brut de décoffrage, ouais. C'est bien, Ça nettoie un peu les oreilles, ça change, ça a fait réagir un peu les auditeurs, non? Ouais, ça a fait réagir notamment, on va le dire, mon père qui vient d'appeler en disant c'est quoi ce bordel, tout simplement, voilà. Écoute, papa, si tu veux l'acheter, il est sorti, il est disponible, il s'appelle The Ike on the World chez Naïve. On parlait de coup de cœur dans la Belle Rock tout à l'heure avec le label Parlo Records, un autre label qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un label londonien qui s'appelle Loaf Recordings et ça tombe bien puisqu'ils viennent de sortir leur toute première compilation pour fêter leur 5 ans d'existence. Une compilation qui s'appelle Domestic Pop et qui regroupe en tout 14 titres, 14 artistes. L'occasion pour le label de donner une sorte de vision de leur pop musique à eux. En général, c'est souvent assez sophistiqué, toujours bricolé, fait un petit peu à la maison comme ça avec 2-3 sous seulement. Jamais de grosses productions studio, c'est toujours plein d'humour et toujours de qualité. Souvenez-vous donc de ce label, il s'appelle Loaf Recordings. Démonstration tout de suite dans la Belle Rock en 3 morceaux. On s'écoute des groupes qui s'appellent... Un premier, c'est un... Mais ils sont français, ils s'appellent Gablé. Ensuite, on retourne du côté des États-Unis, il me semble, c'est avec Van Zit. Et finalement, un anglais qui s'appelle Vincent Oliver. Tout ça donc dans la superbe compilation qui s'appelle Domestic Pop, disponible depuis décembre chez Loaf Recordings. Gablé, Hawaï pour commencer. C'est parti. Allez, on y va tranquillement. C'est Zarbi, je te préviens, Philippe. Ouais, j'ai l'habitude. Ah, non. Burn, bleed, drip, scratch, melt. Until you fall, it has to melt, it has to shine, it has to hurt before you call, it has to stink, it has to knock, it has to cut, you're way too tall. When I was young, I walked around with my head in the clouds. I fantasized of being diagnosed with clouds in the extraits de cette formidable compilation qui va vous emmener dans le monde de Loaf Recordings. La compilation s'appelle Domestic Pop, hein, 14 titres, avec dans l'ordre d'écoute Gablé pour commencer, donc pop folk assez timbré, un petit peu déjanté comme ça, qui tourne un petit peu sur trois roues, ça nous plaît bien. Gablé Hawaii, au milieu la vulgarité, mais c'est rock'n'roll, hein, de Van Zit, You Don't Rock, et puis à l'instant la formidable Electronica signée d'un anglais qui s'appelle Vincent Oliver avec un titre qui s'appelle Clouds in the Head. Voilà, Domestic Pop, c'est donc cette excellente compilation qu'on aura l'occasion de retrouver bien évidemment, comme vous en doutez, dans les prochaines semaines, parce qu'on aime bien tout ce qui est un petit peu zarbi dans cette émission, et c'est toujours un petit peu un challenge pour l'auditeur et l'auditrice d'écouter des trucs pas comme les autres, hein, qui est un petit peu le principe de cette émission. Voilà, on va repartir sur des bases plus connues, notamment par toi, hein, Philippe, retour du groupe culte écossais de Pastels. Rapide historique quand même de ce groupe. Rapide historique, eh ben écoute, ils ont fait tellement de choses, je sais. Oui, oui, oui. Et puis ça fait un moment qu'ils jouent, hein. Ils ont dû commencer en 82 par un tout petit single autoproduit qui est bien sûr Collectors aujourd'hui. Il y a eu tellement de... C'est un groupe un peu à géométrie variable, hein. Il y a eu pas mal de gens qui sont passés dans les Pastels. Bon, il y a Steven Pastel qui est le membre fondateur, le membre fondateur, et puis bon, il est toujours là, quoi, hein, avec sa coupe un petit peu toujours dépeignée et tout. J'ai vu une photo de lui, hein, toujours pareil, hein. Il change pas du tout, quoi. C'est vraiment marrant. Et donc bah oui, c'est un groupe que j'adorais. Ça a été un petit peu les chefs de file, mais du mouvement un petit peu pop. Ils appelaient ça anorak pop à l'époque. Vraiment, anorak pop, d'accord. Ils étaient tous un peu petits, maigrichons, et puis ils s'habillaient avec des deux full coat et tout. Donc ça, les prémices un petit peu du mouvement musical qu'on a connu ensuite avec les My Bloody Valentine, tout ça, shoegazing, hein, un petit peu. Voilà. Et bon, donc eux, ils sont de Glasgow, donc il y avait tout un tas de groupes à l'époque avec eux. Hein. Il y avait aussi les Vase Lines, The Wake. Oui, The Wake aussi, voilà, plein de groupes comme ça, et bon, ça a évolué quand même. Bon, malgré tout, ils sont toujours là, ils sont toujours cultes, hein, pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc, ils viennent de faire leur premier album en duo avec les Japonais de Tennis Coats. Et donc, à côté de ça, ils ont aussi également sorti un nouvel album sous le nom des Pastels. Ouais. Voilà, donc par contre le nom de la collaboration entre les Pastels et Tennis Coats, c'est Two Sunsets. Voilà. Donc ça c'est le nom de l'album, de l'album qui vient de sortir. Hein, voilà, donc si vous cherchez ça, ça s'appelle The Pastels versus Tennis Courts, donc To Sunset, hein, le titre. Voilà. Et tu parlais d'apparition comme ça, un autre membre vraiment connu de Glasgow, hein, qu'on retrouve oui, d'ailleurs oui, sur cet album. Bien sûr, donc il y a les Teenage Fan Club, hein, qui sont très connus, qui sont arrivés un peu après les Pastels. Donc le chanteur Norman Blake, qui a collaboré quand même depuis pas mal d'années, hein, toujours de temps en temps, épisodiquement avec les Pastels. Donc là, à cette occasion, il apparaît encore, donc voilà, il rejoint les Pastels, alors qu'ils sont plus que trois, hein, en fait, hein, ils ont été cinq ou six à une époque. Là, il y a toujours Steven Pastel, Katrina et Gérard Love. Et voilà, donc Saya et Ueno du côté des Japonais, ils viennent de Tokyo, voilà. Tu parlais de Norman Blake, je crois que d'ailleurs que l'album a été enregistré dans le studio Norman Blake, voilà, du côté de Glasgow. To Sunset, c'est le titre de cet album, et tu as choisi quel titre, Philippe ? Le morceau qui s'appelle Sodan. Et ben on y va, Sodan de Pastels et Tennis Courts, juste avant 19h dans la Belle Rock. Your les guitares écossaises des Pastels pour accompagner la voix mignonne de la petite chanteuse japonaise des Tennis Coats. De Pastels et Tennis Coats, donc l'album collaboration de plusieurs titres, une dizaine de titres, qui s'appelle To Sunset. Déçu, non? C'est mignon. Non, c'est mignon tout plein. J'imagine bien la petite chanteuse japonaise en train de chanter avec un t-shirt avec les bisounours dessus. Ouais, bah c'est ça, un petit peu du ce qu'on appelle du twee-pop, voilà. Pastels and Tennis Coats, c'était le dernier morceau juste avant la pause. On va marquer une petite pause publicitaire, évidemment. Ne bougez pas, restez sur le 89.4. Encore plein de nouveautés pour vous. De la nouveauté française, notamment avec Arnaud, Florent, Didier, extrait de l'album La Reproduction. Mais aussi pas mal de voix féminines. On fera un petit tour du côté de l'électro, un petit peu de reggae, un petit peu de soul, un petit peu de tout ça. Bref, c'est Label Rock jusqu'à 20h sur Virgin Radio Rouen. Ne bougez pas, on revient. Label Rock, électriquement. Label Rock, électriquement. Très satisfaisant. Virgin Radio, Rouen. De retour dans Label Rock jusqu'à 20h avec Sébastien et Philippe pour vous accompagner. Je vous disais au cours de la prochaine heure pas mal de choses, hein, des belles voix féminines comme on aime dans ce programme, mais aussi un petit peu d'électro évidemment pour bouger, pour se réchauffer en cette période neigeuse, comme ça, ça va faire du bien. Et puis tout de suite une petite série française avec deux énormes talents de la scène, nouvelle scène française que vous retrouvez d'ailleurs à partir de 20h jusqu'à 22h sur cette antenne. Arnaud, Florent, Didier avec une chanson qui s'appelait France Culture, une de nos chansons françaises préférées de l'année 2009. Et bah de retour depuis lundi dernier avec carrément un nouvel album qui s'appelle La Reproduction. 11 titres dessus, hein, dont France Culture évidemment pour commencer, mais aussi de superbes textes et de la musique qu'on aime bien, hein, si on se dit pas tout. PP44 par exemple, j'aime bien aussi le titre Risotto aux courgettes, c'est plutôt sympa. Je vais au cinéma, Mémé 68 aussi, hein, y a des très bons trucs, y a très bons morceaux dessus. Imbécile heureux et aussi ce titre qui s'appelle L'Origine du Monde. Encore une fois, c'est un album qu'on va matraquer dans les années... dans les semaines pardon qui viennent, parce qu'on aime beaucoup. Voilà, souvenez-vous donc de cet artiste, il s'appelle Arnaud, Florent, Didier. L'Origine du Monde comme extrait tout de suite, et l'album lui s'appelle La Reproduction. Et franchement, allez-y, achetez-le, il est disponible depuis lundi dernier. Tu sais. l'origine du mot. Sur la terre. série française avec Arnaud, Florent, Didier pour commencer l'origine du monde tirée de son nouvel album, troisième album qui s'appelle La Reproduction, disponible depuis lundi dernier. Et puis à l'instant un jeune artiste breton qui s'appelle Colin Chloé. L'album Philippe s'appelle Apo, disponible chez YY Music. Voilà, l'album sort en février prochain, donc il n'y aura pas longtemps à attendre. C'est sympa, hein, il y a des textes, des mélodies vraiment sympas. C'est un grand romantique, hein, Colin Chloé. Hein. Oui. Notamment il parle des femmes. Hein. Je l'ai jeté au fond d'un puits et j'ai même jeté toutes les margelles dessus, voilà, pour être sûr qu'elles soient bien capoutes. Voilà, donc des chouettes textes. Bah, musicalement, oui, c'est un mélange de folk avec des petites touches de rock par-ci par-là. C'est pas mal. Moi, ça me fait penser personnellement à un artiste qui s'appelle Zézé Mago. Je sais pas si tu connais. Je ne connais pas, non. Bah, c'est vraiment le même style, il faudra que je te fasse écouter. Et donc c'est un jeune artiste breton, Colin Chloé. Alors évidemment c'est pas son vrai nom, hein. C'était en fait le nom du projet qu'Éric Lecor, donc le musicien, avait baptisé comme ça en 2004. Et en fait c'est plutôt une espèce d'hommage à Boris Vian, parce qu'il me semble que Colin et Chloé c'était les personnages amoureux dans L'écume des jours, hein, c'est ça. Exact. Voilà, donc en 2004, l'année où il a créé ce projet, il avait été sélectionné par les Inrecuptibles quand ils faisaient leur opération CQFD. Ouais, ça continue hein, d'ailleurs, il me semble. Toujours, très bien. Et donc, si tu veux, après, dans la foulée, bon, il a fait des concerts et tout, et puis donc il a acheté du matériel et il s'est installé un petit studio dans son sous-sol. Et donc, son premier enregistrement solo. Donc, a pris un petit moment quand même. Hein. Oui, oui, ça a pris un moment, hein, plus d'un an. Hein, je un crois. Peu plus d'un an, voilà. Donc il a pris son temps. Bon, il s'est quand même adjoint les services de Christophe Lebris, hein, donc à la basse, donc qu'il a débauché chez Miossec. Un batteur aussi qui s'appelle Fabrice Louisin. Et sinon, on retrouve également sur certains morceaux Gaël Kerrien au chant, qui est connu notamment pour avoir collaboré avec Yann Tiersen. Voilà. Donc le résultat, on vient de l'écouter. Hein, donc un extrait de cet album, ce premier album qui s'appelle Apo, et le morceau qu'on a écouté, c'était le vin de l'assassin. Voilà, avec l'album donc qui sortira début février chez YY Music. Puisqu'on parle de musique française, une date à vous donner, ça sera dimanche prochain, 17 janvier 2010, donc avec un concert pour inaugurer le Satellite Café du côté de Rouen. Ça sera un double événement, hein, puisque ça sera non seulement une sorte d'inauguration de ce nouveau lieu musical et de concert sur la région rouennaise, donc le Satellite Café, c'est du côté de Villeray, hein, du côté du privé, juste en face, hein, du côté du rond-point là-bas. Double événement, je vous disais, puisque ça sera aussi un concert événement de l'artiste Nao Nico, qui livrera donc son nouvel album. Nouvel album, deuxième album solo pour Nao, l'album s'appelle Le Vent se lève, avec un concert donc pour la sortie de cet album. Je vous rappelle, c'est au Satellite Café le 17 janvier à 17h. Eh ben, ça va un peu clasher avec la Belle Rock, hein. Peut-être on ira y faire un tour à 17h et puis on reviendra rapidement vous distiller des sons jusqu'à 20h, voilà. En tout cas, donc, nouvel album pour Nao qui s'appelle Le Vent se lève. Et puis, puisqu'on parle de dates locales, tu en as une avec ton groupe, hein, Philippe, My Name Is. Oui, bah écoute, je vais en profiter pour faire un peu de pub. Donc, nous, on passe le 23 janvier au blog, hein, donc le blog anciennement l'arc-en-ciel, hein, pour les plus anciens. Donc, derrière. C'est pas la peine de me regarder comme ça quand tu dis ancien, hein, Philippe, hein, ça va. Voilà, donc à côté de l'église Saint-Étienne. Ouais, exact. Voilà, donc c'est le 23 donc janvier à 20h, à partir de 20h. Voilà, donc le 23 janvier, My Name Is, le 17, donc Nao, Satellite Café. Parmi les autres dates importantes, on retiendra notamment le 22 janvier, le groupe anglais de Big Pink qui sera au marché de la gare à Lyon. Et une autre date quasi locale, en tout cas un groupe local, les Golden Zip qui vont ouvrir pour les excellents londoniens de Heavy. Ça sera pour fêter les 2 ans du Phil à Saint-Étienne. Et ça sera le 30 janvier prochain. On va laisser tomber la musique française, on va repartir du côté des voix féminines. Je sais que tu apprécies particulièrement les voix féminines, Philippe, tu vas être comblé. 3 artistes à venir dans cette émission. On commence avec un extrait du deuxième album de la Texane qui s'appelle Mara Lee Miller. Elle enregistre sous le nom de Bosque Brown. L'album s'appelle Baby, il est disponible depuis quelques semaines chez Fargo Records. Définitivement un des meilleurs albums folk que l'on a eu l'occasion d'écouter ces derniers mois. Avec dessus de magnifiques ballades et la voix magique de Mara Lee Miller. C'est parti, Bosque Brown, ça s'appelle Whiskey Flats. Over Whiskey Flats and I'm on my way, Lord, let me fly. The Bosque flows and it runs dry, I'll hold me down to where I will die. say she don't, they say she don't, they say she don't. Talk rise, alright. Oh, let her be, let her be, let her be. It's where I take it easy. She's calling you. One more mile, take her down. A road will live and a road will die. You'll find me home to collide. They say she don't, they say she don't, they say she don't. Talk rise, alright. Oh, let her be. Let her be, let her be. It's where I take it easy. deux artistes féminines aux voix radicalement différentes, mais toutes les deux magnifiques. Bosque Brown, donc Mara Lee Miller pour commencer. L'album s'appelle Baby, disponible depuis quelques semaines chez Fargo Records. Ça me rappelle un petit peu l'effet Allez la Diane il y a quelques années de ça. Je vous disais, un des meilleurs albums folk qu'on a eu l'occasion d'écouter. Et puis, autre voix magique, celle de la Norvégienne Anne Brun à l'instant. Dernier album en date qui s'appelle Changing Seasons, avec un extrait de cet album qu'on vient de s'écouter qui s'appelle The Puzzle. Voilà, en tournée en France au mois de mars prochain, Anne Brun. Quelques dates à vous donner. Le 13 mars, elle sera du côté de Rennes à l'air libre. Le 14, elle sera à la Cave aux Poètes à Roubaix. C'est joli comme endroit ça, la Cave aux Poètes, tiens. Le 16 mars, elle sera du côté du Panonica à Nantes. Le 18, à la Maison de la Musique à Mélan. Je ne sais pas où c'est. Tu sais où c'est Mélan? Non. Non, c'est pas à côté de Grenoble, non? C'est possible, j'espère. C'est la seule date dans le coin avec une qui arrive du côté de Lyon. Le 19 mars, donc, Anne Brun au théâtre, Denis à Toulon. Le 20 mars, le Poste à Galère à Marseille. Et la dernière date de cette tournée française sera le 22 mars 2010 à l'Épicerie Moderne à Lyon, Fézin. Voilà. Anne Brun, l'album s'appelle The Changing Seasons. Thank you. Excellente reprise électro-pop du tube Soul de 1988, signé par DXX, hein, l'original évidemment, Womack & Womack Teardrops. DXX peut-être sûrement même, je faisais un tour du côté de l'internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de suffrages des albums de l'année 2009 et c'est vrai que bah c'est un petit peu le groupe de l'année 2009, hein, DXX, avec cet album qui est sorti au mois de septembre et DXX qui va partir d'ailleurs pour une longue tournée mondiale à partir de demain. Il se repose, il souffle encore aujourd'hui, j'ai vu le programme, c'est énorme, hein. Ils partent en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, quelques dates en France au passage, un peu beaucoup. Encore une fois, c'est pour tous ceux qui nous écoutent sur le podcast, hein, principalement, puisque malheureusement, aucune date dans la région, c'est bien dommage. Le 11 février, ils seront au Grand Mix à Lille, le 12 à la Nef à Angoulême, à l'Olympique de Nantes le lendemain, le 13 février, puis le 14 février au Midi Festival du côté de Toulon, le 18 février à la Cigale à Paris, mais je crois que c'est complètement sold out, donc c'est même plus la peine. Le 20 février, ils seront à l'édition hivernale de la Route du Rock à Saint-Malo, là aussi, un très beau programme. Si vous êtes du côté de la Bretagne, n'hésitez pas à y aller le 20 février. Et pour terminer, cette date française qui se passera du côté de la Laiterie à Strasbourg pour aller applaudir donc DXX. Est-ce que vous êtes prêt à danser un petit peu? On a été tranquille ce soir. Oui, pour l'instant, ça a été quand même assez calme. Alors, je sais pas, est-ce que c'est le moment Écoute, oui, allez, on va se jeter un nouveau single pour un duo britannique qui s'appelle The Count and Sindon. C'est leur troisième sortie. Quatrième sortie qui arrive d'ailleurs, hein, qui vient de sortir en Angleterre. Il faudra attendre encore un petit peu pour la France. Et puis, normalement, premier album prévu pour eux cette année. Le tout chez Domino Recordings. Allez, on va mettre un petit peu d'électro dans tout ça. The Count and Sindon, ça s'appelle Mega. C'est parti. jamais deux fois le même disque. I took your note and I folded it up and I walked right out the door. Even though I had just woken up, it still felt like the night before. I thought the room had started to spin when you gave me a second glance. I didn't know if you would see me again, but I was ready to take the chance. I've been waiting for you such a long time. I've been waiting for you such a long time. Thank you. Première série électro de l'année dans la Bell Rock avec, pour commencer, The Count and Sindon, un duo britannique qui vient de sortir ce nouveau single qui s'appelle Mega. Je vous le disais, il y a encore un single qui va arriver dans les semaines à venir du côté de la France. C'est sorti en Angleterre, il faudra attendre encore un petit peu. Et puis si tout va bien, on croise les doigts, on touche du bois. Normalement, un album prévu cette année, pas plus tard que mois d'avril ou mois de mai. Au milieu, My Robot Friend, un producteur électro new-yorkais. Avec un album, troisième album qui est sorti, c'était en décembre. On n'a pas eu le temps de vous caler ça puisqu'on avait fait une sorte de rétrospective. L'album s'appelle Softcore avec un morceau qu'on vous a passé qui s'appelle Waiting. Et puis à l'instant, énorme buzz pour ce nouveau groupe de Manchester. Ils existent depuis un an seulement, Delphic. On avait eu l'occasion de les découvrir, c'était en janvier 2009 avec un tout premier single. Et puis ils ont fait monter le buzz. Quelques singles qui sont sortis hein, d'ailleurs l'année dernière. Et puis finalement, et ben voici l'album qui s'appelle Acolyte et qui devrait ravir aussi bien les fans de house music que ceux d'indie rock, mixé et produit par Ewan Persson, un écossais pilier du label Soma Records. En tout cas, donc le groupe s'appelle Delphic et c'est pas toi qui va me contredire, Philippe, j'ai marqué dans mes notes, si vous êtes fan de New Order, vous allez adorer ce genre de son. T'as aimé toi ou pas? Oui, ça passe, c'est pas trop... C'est pas trop boom boom, c'est pas trop électropop, c'est... Ouais, c'est pas trop mon truc non plus, mais enfin bon, c'est vrai que ça rappelle bien New Order et... À mon avis, je comprends qu'il y ait un buzz autour de ce groupe-là, quoi. Voilà, je pensais à New Order parce qu'ils ont le même don pour jongler entre des mélodies pop impeccables et surtout des rythmiques électroniques bien modernes hein, qui font penser justement à 2009-2010. Hein, voilà, c'est l'avenir de la pop musique européenne. Delphic, l'album donc s'appelle Acolyte. Encore une fois, il faudra être parisien pour les voir cette année puisque un seul concert. Ça sera le 16 février prochain du côté du nouveau casino à Paris. On va repartir du côté de la pop anglaise indie comme on aime, c'est-à-dire sans complexe, hein, avec ses défauts et une fraîcheur tout simplement admirable. Le single sort demain, le groupe s'appelle Standard Fair, un titre qui s'appelle 15, premier album qui devrait sortir en mars prochain. Un album enregistré en seulement 6 jours et de manière évidemment complètement indépendante. Standard Fair tout de suite, c'est chez Melodic, ça s'appelle 15. This isn't mine. This isn't right. this isn't right. I don't want to have to stay the night. Well, 6 hours of my life. Just wanting you, wanting you, wanting you, wanting you, wanting you. Standard Fair, ils viennent de Sheffield, ils sont tout jeunes et ils sortent leur premier single donc demain chez Melodic Records. Pour l'album, il faudra attendre, je vous le disais, le mois de mars. Et puis à l'instant, pas trop pop anglaise, mais plutôt gros son américain, signé par un trio qui vient de Los Angeles et qui vient de sortir son deuxième album. Le groupe s'appelle Les Gliss, l'album lui s'appelle Devotion Implosions. 10 titres de noise pop avec du. C'est produit par eux, c'est du lourd, hein, c'est américain, de toute façon, c'est pas la petite touche anglaise là, c'est sûr. Ça fait du bruit, gros mur de son donc pour Gliss avec un extrait qu'on vient de s'écouter qui s'appelle 29 Acts of Love. Je vous rappelle qu'à partir de demain, donc www.virginradio1.fr, vous retrouverez non seulement tous les morceaux qu'on a diffusés ce soir, ainsi que l'émission pour vos petits iPods, vos téléphones portables, bref. Vous allez pouvoir encore réécouter tout ça pendant une semaine. La semaine prochaine, évidemment, on sera là sur le 89.4 entre 18h et 20h. Sébastien, Philippe ou je sais pas, Loïc, tiens, on va faire un petit coucou à Loïc qui est la voix off exclusive de cette émission qui nous fait de superbes jingles qu'on a connu alors qu'il était du côté de Rennes et qui vient de bouger du côté de Rouen. Donc pourquoi pas faire une petite émission avec des jingles en direct, ça pourrait être un concept plutôt sympathique. Comme ça on peut improviser au fur et à mesure de l'émission. Les amateurs de reggae ne seront pas en reste aussi aujourd'hui, puisque évidemment comme on en a l'habitude, un petit morceau de reggae ça fait du bien par où ça passe, ça réchauffe. C'est le cas avec une nouvelle sortie sur l'excellent label qui s'appelle Pressure Sounds. Le titre de cet album c'est King Tubby and the Clancy Eccles All Star. Le titre de l'album s'appelle Sound System International. Et dessus vous allez retrouver 10 versions dub mixées par un tout jeune King Tubby à l'époque. Puisqu'on estime d'ailleurs que ces enregistrements datent de la fin des années 60. Le mixage lui probablement entre 73 et 74. Bref, c'est encore une rareté jamaïcaine découverte par les excellents londoniens de Pressure Sounds. Et c'est disponible évidemment sur l'internet. The Dynamites and Handicap, c'est ce qu'on s'écoute donc tout de suite. Et ça s'appelle Phantom. Juste après on part du côté du Pérou. Rareté jamaïcaine signée par The Dynamites, mixée par King Dubby en 73-74. Autre redécouverte, ce coup-ci grâce au label espagnol Van Pisol. On part du côté du Pérou. Ça aussi, c'est chaud. Voilà, grâce au label Vampy Soul, on peut écouter enfin de la musique péruvienne, vraiment underground, hein, des années 60-70. La compilation qui s'appelle Back to Peru, volume 2, dessus on retrouve plusieurs styles de musique, hein, de la musique surf, on retrouve du rock garage, de la musique psychédélique, du rock latin. Bref, 64-74, une période vraiment faste, hein, pour la scène péruvienne, puisque tous les groupes, hein, découvraient des artistes qui venaient de l'Europe ou alors des États-Unis tels que Jimi Hendrix et les Beatles, mais aussi bien évidemment toute l'explosion de la culture psychédélique. Du coup, beaucoup de groupes péruviens qui n'hésitaient pas à expérimenter, que ce soit au niveau des substances illégales ou bien de la musique. La preuve avec Cacique qu'on vient de s'écouter. Je sais pas si on dit Cacique ou Cacique, je sais pas. Je parle pas vraiment le péruvien. En tout cas, ça me plaît bien. Hein. J'aime bien cette magnifique pochette aussi avec une petite péruvienne comme ça tranquillement installée sur la plage. Philippe, je te fais voir toi. Ouais, jolie, c'est pas mal. Ça a l'air sympa vu d'ici. Ouais. Elle est mignonne. Je te ferai voir hors antenne tout à l'heure. Volontiers. En tout cas, le résultat est assez surprenant et c'est chez Vampy Soul. Je regarde l'heure, bah oui, bah on commence l'année bien, hein, puisqu'on a déjà une minute de retard. On va raccrocher sur Paris. On vous dit qu'on se retrouve évidemment la semaine prochaine sur le 494 entre 18h et 20h. Philippe, merci pour ta présence. Avec plaisir, toujours. Et puis, bah évidemment, ton savoir-faire et tes grandes connaissances de la pop musique. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, d'avoir un petit peu de compagnie dans le studio. Voilà, c'est bien. VirginRadioRouen.fr donc, pour retrouver le podcast à partir de demain. Et on va faire un clin d'œil à Fabrice, monsieur basket, hein, monsieur Coral ici, qui s'amuse de temps en temps à nous surprendre et jouer des disques qu'on n'a pas l'habitude d'écouter sur cette antenne. Dernière retransmission, c'était pas samedi, c'était lors de la Coupe d'Europe. J'ai eu le plaisir de réécouter un vieux morceau de MC Hammer. Est-ce que tu te souviens ça? Can't Touch This, ouais. Tu te rappelles de ça? Ah oui, oui, oui. Voilà, et donc on a dit avec Fabrice qu'on allait se faire des petits ping-pong comme ça de temps en temps. Donc moi je vais terminer cette émission avec un groupe culte allemand de la musique électro que j'ai retrouvé cette semaine. Le groupe s'appelle Snap. Tu te souviens de ça, de Power? Non? Non, peut-être, mais il faut balance le morceau. Bon, là, bah écoute, on va se quitter en tout cas avec ça. C'est donc leur premier single, c'était en 1990, ça s'appelle The Power. Merci d'avoir été fidèle au 89.4. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas les infos avec Pascal Jacquet à partir de 7h30 demain. Soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao. Ciao, Philippe. Au revoir, à la semaine prochaine. On y va, Snap. Hey. Ça te dit, hein? Mais si, tu vas voir. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres.